Quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie trois journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison Blanche, une expérience inédite et originale, à suivre sur rtbf.be/maisonblanche. À suivre aussi sur Vivacité, dans 5 à 7 à 18h30. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde et bienvenue. D'abord, on commence par le bravo et le merci tous ceux qui se sont mobilisés pour Cap 48. Qué boulot, qué boulot. Bravo tout le monde. Ah ouais, franchement. Ouais. Encouragement et bravo de Madame Depardieu. J'ai cru qu'une alarme se déclenchait dans le bâtiment. Il fallait évacuer. Okay. Moi, j'ai veillé toute la nuit pour le budget, donc je veux dire. Et vous avez trouvé, Jambes de Warzé, les 4,2 milliards. Alors, on a trouvé 6 francs. Donc on progresse. Alors, monsieur Grandjean, hier, vous étiez à Cap 48, vous étiez au budget ou vous étiez au Tagada? Je me suis couché à 20h, monsieur. Il était au Tagada. Voilà. Vous voyez qu'on a bien fait de demander. C'est où le Tagada? C'est à côté du Badaboum, c'est ça? C'est à côté du Tsoin Tsoin. Exactement. Je préfère les chambres du Badaboum. Elles sont meilleures que celles du Tagada. On peut discuter entre experts, quand même. Regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oh oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Quand même, Denis, elles sont mieux au Tagada qu'au Badaboum, quand même. Évidemment, la question ne se pose même pas. On se croit souvent. Là là. Alors, oui. Ce lundi, il y a des averses près du littoral. Il y en a quelques-unes aussi qui se forment un petit peu sur l'Entre-Sambre-et-Meuse. Sinon, le temps est généralement sec sur le sud et sur le centre. On a encore des températures assez fraîches, hein, à peine 1 degré du côté de Virton et des Hauts-de-Fagne. Sinon, ailleurs, eh bien, on va retrouver des averses plus fréquentes au fil des heures. Ça va donc devenir instable l'après-midi avec même coup de tonnerre au littoral. 9 à 14 degrés pour aujourd'hui. C'est la journée la plus chahutée car dès demain et pour les jours suivants, on va revenir à une météo plus calme. Les averses vont disparaître progressivement. Les températures se maintiendront entre 9 et 13 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, le deuxième débat entre les candidats à la Maison-Blanche cette nuit aux États-Unis. Lâché de toutes parts après ses propos dégradants vis-à-vis des femmes, Donald Trump a tenté de renverser la vapeur. A-t-il réussi? Nous serons en ligne avec notre correspondante aux États-Unis, Sonia Dridi. 5 secondes pour éviter d'être malade cet hiver. Les vaccinations contre la grippe commencent, mais est-ce efficace le vaccin contre la grippe? Ça marche en général à 60%. Comme pour tout vaccin, il y a des échecs. 60% de réussite, c'est pas tellement, mais ce médecin nous dira pourquoi il est important néanmoins de se faire piquer. Les syndicats et la direction d'ING vont enfin se parler. Après avoir boudé la semaine dernière, les représentants du personnel ont dit oui à une première réunion d'information sur les suppressions d'emplois annoncées par le groupe bancaire. La Belgique face à Gibraltar ce soir en match de qualification à la Coupe du Monde de football, en principe une formalité. Et puis la générosité a donc payé, record battu pour Cap 48. Les dons ont dépassé allègrement les 5 millions d'euros. Mais avant toute chose, Christophe, le soulagement ce matin en Allemagne. Oui, le Syrien suspecté de vouloir commettre un attentat a été arrêté. Un produit très dangereux avait été retrouvé au domicile de cet homme et les autorités craignaient qu'il ne commette un attentat à la bombe. D'importantes opérations de recherche étaient menées en Allemagne depuis samedi. Elles ont porté leurs fruits. Le suspect a été arrêté à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Et donc aux États-Unis, le deuxième des trois débats entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'était cette nuit. Les deux candidats à la Maison-Blanche devaient cette fois répondre à des questions de citoyens américains. Un débat dans une position très inconfortable pour Donald Trump. Une ancienne vidéo dans laquelle il tient des propos misogynes est ressortie ce week-end. Depuis, le candidat républicain est lâché par à peu près tout le monde, y compris dans son camp. Donald Trump qui a attaqué Hillary Clinton par tous les fronts cette nuit pour tenter de garder une chance d'être président des États-Unis. Aline Wavrey nous résume le débat. Le ton est donné dès l'arrivée des candidats. Pas de poignée de main, l'atmosphère est glaciale. Et très vite, ce sont les propos obscènes sur les femmes du candidat républicain qui sont abordés. Des discussions de vestiaire, c'est la ligne de défense de Donald Trump qui va plus loin. Si vous regardez ce qu'a fait Bill Clinton, c'est bien pire. En ce qui me concerne, ce sont des mots. Lui, des actes. Personne dans l'histoire politique de ce pays n'a jamais été si violent envers les femmes. Hillary Clinton ne relèvera pas l'attaque. Pour elle, il ne s'agit pas seulement des femmes. Parce qu'il a aussi ciblé les immigrants, les afro-américains, les latinos, les personnes handicapées, les prisonniers de guerre et tant d'autres. Pendant le débat, Donald Trump est offensif et a décoché plusieurs flèches, comme l'affaire des emails. Hillary Clinton a utilisé son compte privé pour gérer ses affaires de secrétaire d'État, alors le républicain a menacé sa rivale. Si je gagne, je vais demander à mon ministre de la Justice d'obtenir un procureur spécial pour examiner votre situation. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de tromperies, on n'a jamais connu ça. There has never been anything like it. Hillary Clinton l'accuse de faire diversion et de n'avoir encore jamais publié sa déclaration d'impôt. Une candidate plutôt à l'aise et qui, selon plusieurs observateurs, a remporté ce deuxième débat. Voilà pour les moments forts du débat. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Alors, qui a remporté ce deuxième duel ? Eh bien, selon un dernier sondage CNN qui est sorti il y a peu, juste après le débat, Hillary Clinton a remporté ce débat selon 57% des électeurs interviewés. Mais selon eux, selon ces mêmes électeurs, Trump a fait mieux que ce à quoi il s'attendait. Finalement, avec sa stratégie offensive, il a plu aux électeurs américains qui sont très opposés à Hillary Clinton et qui aiment bien finalement le style Donald Trump. Il est resté dans son style alors qu'au premier débat, il avait tenté d'apparaître très présidentiable, donc on sentait qu'il s'était retenu pour justement pas faire trop d'attaques personnelles. Ce qu'on a l'impression, c'est qu'il aura finalement rassuré, convaincu ses partisans. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il va réussir à attirer d'autres électeurs, notamment ces électeurs indécis qui sont très nombreux aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui n'aiment aucun des deux candidats. Et ce soir, c'est ces électeurs finalement que Hillary Clinton et Donald Trump ont tenté de séduire. Merci Sonia Dridi. Et le troisième et dernier débat entre Donald Trump et Hillary Clinton aura lieu mercredi de la semaine prochaine. Syndicat et direction se retrouvent autour de la table aujourd'hui chez ING. D'ici une heure, première rencontre de la première phase de la procédure Renault. La phase d'information qui va durer plusieurs semaines. Une phase d'écoute où les deux parties rangent leurs armes. L'objectif, écouter et obtenir des réponses. Les syndicats abordent donc cette réunion de manière sereine. Jean-Michel Capoun, secrétaire général du CETK. Ici, il faut bien démontrer à la direction qu'on ne va pas mélanger une phase d'information et une phase de négociation. Au début, c'est une phase d'écoute, et puis viendra évidemment une phase de questionnement à la direction de venir donner toutes les explications de son plan et son utilité. Et puis après cela, bien sûr, différentes organisations syndicales vont venir participer à ce moment-là à la négociation. Ça, vous avez bien compris que nous, on reste avec une stratégie en considérant que la direction a forcé les licenciements, que pour nous c'est 1700 licenciements secs, c'est inacceptable. Nous viendrons avec des contre-propositions, faire diminuer drastiquement le nombre de départs. Jean-Michel Capoun, secrétaire général du CETK, interrogé par Yasmina Favaro. Toujours pas d'accord sur le budget. Le gouvernement fédéral a travaillé toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Les ministres se retrouveront en fin de matinée pour poursuivre les négociations. En tout, 4,2 milliards d'euros sont à trouver. Parmi les pistes envisagées pour trouver l'argent, une plus grande dégressivité des allocations de chômage, le non-remboursement de certains médicaments, une plus grande flexibilité du temps de travail ou encore une réforme de l'impôt sur les sociétés. Mais rien n'est et décider encore fermement. C'est le moment, Christophe, de relever sa manche et de tendre son épaule vers le médecin. Et oui, la campagne de vaccination contre la grippe commence. Le vaccin est surtout recommandé aux personnes à risque, malades chroniques, asthmatiques, seniors de plus de 65 ans et femmes enceintes. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se faire vacciner contre la grippe ? Certains doutent de l'efficacité. Écoutez la réponse de Patrick Brunin, il est médecin généraliste. Mais ça marche en général à 60% à mon avis. Donc c'est-à-dire que tous les patients ne sont pas répondeurs. Mais il ne faut pas se décourager, il faut chaque année se vacciner pour la grippe. Et il y a des indications bien précises. Les personnes de plus de 65 ans et surtout les malades chroniques, même avant 65 ans. Les diabétiques, les pulmonaires chroniques. Sachez que nous, médecins généralistes, nous déplorons des pertes chaque année dues à la grippe pour ces complications, parce que c'est une maladie grave. Beaucoup disent aujourd'hui que finalement, ce vaccin ne marche pas si bien que ça, qu'est concret finalement une psychose. Comme pour tout vaccin, il y a des échecs. Ils peuvent être tout simplement liés au site d'injection qui est mauvais et à la réponse immunitaire de chacun qui est très variable. Vous pouvez vacciner des personnes fréquemment pour la rubéole et tout ça. Les anticorps ne réagissent pas. En tout cas, s'ils font la grippe, ils la feront de façon probablement moins forte. Peut-être pas de complications. Le docteur Patrick Brunet, interrogé par Thierry Vengulik. La santé encore avec la Journée mondiale de la santé mentale ce lundi. Et à cette occasion, nous nous rendons au Bobard à Tournai. C'est un bistrot thérapeutique. On y accueille des personnes dépressives ou qui ont des problèmes de santé mentale. Les clients peuvent échanger sur leur vécu ou simplement passer un moment tranquille dans un lieu accueillant. C'est Guillaume Gilbert qui nous fait visiter ce bistrot thérapeutique. Quand on entre dans le Bobard, on pourrait croire que c'est un bistrot classique. Un bar, des tables, des clients qui consomment. Mais les clients ici ont des parcours difficiles. Clara a des séquelles au cerveau suite à un accident de la route. Au Bobard, elle a trouvé une convivialité qu'elle ne parvenait plus à trouver. Ici, on ne juge pas. On m'a regardé une fois, mais puis on a vite détourné les yeux comme si on connaissait. On met tout le monde sur le même piédestal. Ici, on ne sert pas d'alcool. Christian a souffert d'alcoolisme. Aujourd'hui, il va mieux, il est bénévole au bar et il partage son expérience avec les clients. Maintenant que je suis rétabli, je mets mon temps et mes valeurs et mes compétences au service des personnes qui en ont besoin. Le fait que je puisse aider les gens, ça me rappelle que je suis passé par un chemin où j'aurais pu descendre dans un gouffre et grâce à ça, j'ai pu surmonter des montagnes. France Dujardin est la coordinatrice du Bobard. En tant que professionnelle de la psychiatrie, elle encourage le contact entre les clients. Ça leur permet d'être en lien, de ne pas rester chez eux, d'avoir quelque chose à faire de leur journée. Le fait aussi de ne pas être juste face à des professionnels de la santé mentale, mais aussi de pouvoir parfois être écouté par des gens qui ont vécu la même chose qu'eux, qui savent ce que c'est, toute la maladie et toute la problématique qu'elle peut engendrer. Depuis la création du Bobard il y a 10 ans, le nombre de clients a triplé. Il est 8h10, un décès dans le monde du cinéma. Andrzej Wajda est mort à l'âge de 90 ans. Le réalisateur polonais avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes pour L'Homme de Fer. C'était en 1980. Après l'ouragan Matthew, une nouvelle menace pour Haïti. Cette menace, c'est le choléra. La maladie se transmet par l'eau contaminée et un premier décès a été signalé hier. Le sud d'Haïti n'est plus qu'un champ de ruines après le passage de Matthew. Des régions entières sont toujours coupées du reste du pays. L'ouragan a fait plus de 1000 morts en Haïti, près de 1000 morts en Haïti, un millier. Aux États-Unis, on déplore une vingtaine de décès. Plus de 2 millions de foyers ont été privés d'électricité. L'ouragan a maintenant été rétrogradé en tempête tropicale. 8h10, c'est le 8-9 Sport et les Diables qui disputent ce soir leur troisième match de qualification pour le Mondial 2018. Un match en déplacement contre Gibraltar, mais la rencontre sera disputée à Faro au Portugal. Le petit état de Gibraltar n'a pas les infrastructures adéquates. Gibraltar, c'est la 205e et dernière nation mondiale au classement de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Normalement, les Diables vont donc cartonner. Thierry Luther, c'est au Portugal où il commentera la rencontre de ce soir sur Vivacité. Lorsqu'on affronte la plus mauvaise équipe du ranking FIFA, on doit évidemment s'attendre à une large victoire des Diables Rouges face à Gibraltar. Vu les stats désastreuses des Gibraltarais lors de la dernière campagne qualificative pour l'Euro, 56 buts encaissés en 10 matchs et la forme affichée par les Diables Rouges vendredi dernier face à la Bosnie, il devrait y avoir du spectacle et des buts ce soir au stade de Faro en Algarve, là où l'équipe de Gibraltar a trouvé refuge pour disputer ses matchs officiels. Le record absolu pour la Belgique, c'est toujours le 10-1 infligé à Saint-Marin le 28 février 2001, à l'époque de Robert Wasserge, avec un triplé de Bob Peters. À l'extérieur, il faut remonter au 16 octobre 1986, avec une victoire 0-6 au Grand-Duché de Luxembourg, dont un triplé de Nico Klaassen. Ce record pourrait bien tomber ce soir, vu la différence de talent entre les deux formations. À titre indicatif, l'Allemagne et la Pologne se sont imposées ici 0-7 lors de la campagne qualificative pour l'Euro 2016. Voilà donc qui promet une soirée spectaculaire avec, on l'espère, beaucoup de buts. Le capitaine des Diables et des Nazars se veut toutefois prudent. Pour lui, il faudra avant tout rester sérieux. Mais on a eu un peu le même match à Andorre l'année dernière. On sait ce qu'il faut faire, il faut être sérieux et respecter l'adversaire. Et la meilleure manière pour moi de respecter l'adversaire, c'est de faire un bon match. Même si on est habitué tous dans l'équipe à jouer dans des grands stades, des grandes ambiances avec des stades pleins. On a tous commencé dans un petit club, il n'y avait pas beaucoup de monde autour du terrain. Donc voilà, on est habitué à ça aussi. Donc voilà, c'est un match à gagner tout simplement. Eden Hazard au micro de Thierry Luthers. Sur le terrain ce soir, pas de gros changements en principe par rapport au match de vendredi contre la Bosnie. Seul Romelu Lukaku ne s'est pas entraîné hier. Il ne devrait donc pas débuter la rencontre. Coup d'envoi du match à 20h45. Match à suivre en direct sur la Une, sur Vivacité et sur la plateforme internet Ovio. Et puis Christophe, encore un record pour Cap 48. Les dons pour Cap 48 avaient atteint 4 900 000 euros l'année dernière. Le cap des 5 millions était donc l'objectif, logiquement, cette année. Eh bien, cet objectif est largement atteint puisque le compteur de Cap 48 affiche 5 552 026 euros. Record battu donc lors de la grande soirée de clôture au studio Mediarive à Liège. 4 heures de direct animées par Jean-Louis Lahaye et Jean-Luc Reichmann. Éric Dagonier nous retrace le fil de la soirée. Je déclare Cap 48 ouvert. La soirée Cap 48, c'est d'abord un appel aux dons. 1 334 000, il faut que ça monte beaucoup plus. Allez-y, lâchez-vous, on est tous là. Avec hier des défis comme l'arrivée de cette marche de 100 km. Ils sont partis hier à 15h. 100 km, ils ça, sont là. Wow. C'était aussi de la musique en direct et Christophe Mahé a cappella avec le public. Il est là, bon ami, il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Tapez dans les mains. Il est là. Allez. Yeah. Il y avait aussi, surtout, la force de certains témoignages, comme celui de Jenny, victime d'un AVC et hémiplégique. C'est très dur à accepter au commencement qu'on est handicapé. Non pas que ce soit péjoratif, c'est juste qu'on se rend compte dans quel état on est, toute l'autonomie qu'on a perdue, la liberté. Et puis Cap 48, c'est enfin un mouvement de solidarité et un défi relevé en récoltant de l'argent pour aider ces personnes handicapées. On dépasse la barre des 100 millions et demi. Et ça, c'est magnifique, c'est grâce à vous. Mille merci pour votre générosité. Ah, c'est fermé. Et l'argent récolté sera redistribué début 2007 en fonction des différentes candidatures des associations qui vont être étudiées jusque-là. Ah, merci Monsieur Reichmann, parce qu'il a été généreux hier, il a donné de sa personne, il était particulièrement relax. Vous avez peut-être vu ça à la télévision. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Un petit bijou sorti du temps tout à l'heure. Voilà que l'organisateur du Festival Jazz de Gouvy trouve dans son tiroir des vieilles bandes. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je les vends à Cash Converter? Non, il les écoute et il tombe sur un concert de Pierre Rapsat qu'on écoutera tout à l'heure. Il rentre toujours à l'heure, l'enfant du 92e. Un petit bijou, ça c'est la voix de Pierre Rapsat en 1981, c'est devenu un disque live que nous écouterons tout à l'heure. Pour un live de 81, vous mettez combien d'euros, Sarah? Je mets 20 euros. Jérôme, vous mettez combien d'euros pour un live de 81? Non, mais mettez au moins, montez, 22,50. En même temps, c'est gratuit dans le 8-9, non? Non, il faut acheter le disque, hein, et cesser de pirater les disques, Sarah. On ne peut pas pirater les disques. 8h15, Cactus. Jérôme, le Cactus se penche sur le bouclage du budget. La nuit fut courte et les discussions sont encore en cours. Mais oui, parfaitement, Benjamin. Une nuit entière de négociations budgétaires. Nous avons cueilli les ministres à la sortie pour les ramener dardard dans le studio. Monsieur Michel, bonjour. Je vous en prie, ne parlez pas trop fort. J'ai tellement la tête dans le cul que je ne retrouve même plus mes lunettes. Oui, mais monsieur Michel, il faut vous réveiller, là. Oh. Ah oui, vous avez raison, je vais commander du café. Oui. Peter, où reste encore cet asperge au portudiste de crème? Il est retourné à revers pour faire croire qu'il est intelligent ou quoi? Bon. Peter, du café? C'est DNV, café, déca et vitamine. Ah non, pas vitamine, hein, si c'est l'émission de santé de la 2, on va tous se rendormir. Adrien, des bises, Adrien. Bon, on va laisser se réveiller, c'est extraordinaire, on ne boucle plus rien dans ce pays, hein, ni Bernard Westphal, ni Luperto, ni le budget, on ne boucle plus rien. Ma guide de bloc est avec tout ce matin, madame de bloc, en tant que ministre de la Santé. Non, madame... Madame de Bloc. Ya, à bas la médecine, mais... vive le numerus clausus, débranchez tous les malades. Madame de Bloc, vous aviez certifié que vous ne toucheriez pas au budget de la santé et l'on apprend que vous ne rembourserez plus certains médicaments. Ya, mais je ne sais plus. Oui, oui. Hein, de toute façon, les Belges consomment trop de médicaments. Hein. Regardez Benoît Poelvoorde. Tom Bonnen, oui. Rien qu'à deux, tu peux déjà rouvrir si mutuelle. Bon, on avance. Bon, alors, Chris Peters, vous avez l'air moins endormi que les autres. Hein. Yeah, mais moi, je dors pendant les négociations. Hein, c'est un peu comme Peter de Crème au Parlement, quand il n'est pas là, ça ne se voit pas. Voilà, hein. Monsieur Peters, 4 milliards d'euros, soyez inventifs, responsables. Ah, yeah, mais vous croyez que c'est facile, vous? Regardez-vous, les francophones, hier soir, faites une soirée spéciale à la télévision pour trouver de l'argent. Oui. Et péniblement, vous arrachez 5 millions. Et nous, cloîtrés dans un vieux château, sans radio, sans rien, on doit trouver 10 fois plus. Allez, vous, vous voulez quoi? Qu'on aille vendre des post-it et des modules pour taxe 48? Oui, mais là c'est une opération caritative. D'ailleurs, il y avait des hypnotiseurs, des chanteurs hier soir. Yeah, mais justement, hein. Bon, un hypnotiseur, nous, on en a un, Charles Michel. Parce qu'à réussir à vous endormir avec toutes ces mesures à côté, mesmer, c'est pas courabane. Hein, oui. Mais pour les chanteurs, nous allons réquisitionner le frère de Menir Stromae. Le frère de Stromae. Yeah, Christophe Maé. Non, c'est pas le frère. Oh, le pognon, non. Il est où, le pognon, il est où? Christophe. Il est où? Christophe. Je suis à la bourre. Non. Je dois faire la manche. Merci, Christophe. Je dois soutirer de la thune au vieux. Non, merci. Non, ça va aller, Christophe. Merci. Hier, lors de votre apparition, le compteur a commencé à tourner à l'envers, alors ça va bien. Bon, alors, monsieur Michel. Je vous en prie, parlez moins fort et donnez-moi une dizaine de comprimés de Guronzan. Après, je dois aller sur la première. Et je ne peux compter sur personne pour me réveiller là-bas. Bon, Madame de Bloc, vous êtes médecin. Vous avez du Guronzan sur vous? Yeah, j'ai un. Mais c'est du 4000, hein? Du quoi? Du 4000? Mais qu'est-ce que vous mettez dans vos Guronzan, vous? Mais 4000 euros! 400 euros le comprimé, fois 10, 4000. Moi, je rembourse plus rien, évidemment. Bon, monsieur Michel, on peine à trouver cet argent. Et l'on parle déjà d'investir des milliards dans de nouveaux avions de chasse F-35. Pourquoi dépensez-vous l'argent que nous n'avons pas? Mais parce que ce n'est pas le mien. De toute façon, l'ouvrier ne verra pas la différence, j'en fais le serment. Mais l'ouvrier n'a déjà plus rien. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Soyez pragmatique, un budget est toujours déficitaire si l'on vous dit le contraire. C'est que l'on vous ment et que le budget est suisse. Oui. Ou que le budget est suisse. Oui. Ce qui revient plus ou moins au même. Bon ben écoutez, on n'en sortira pas. Alors pour conclure, en duplex des USA, nous avons Donald Trump avec nous. Grand homme d'affaires et puis quel humaniste. Monsieur Trump, avez-vous un conseil pour boucler notre budget? Yeah, ça va dans votre true aural. Oui, hein? Ça va. J'ai un conseil. Si vous avez des problèmes d'argent et que vous ne pouvez pas vous payer de prostituer, préférez le viol. C'est gratuit et bien plus excitant. Merci, M. Trump. On note alors, merci. Oui, avec Fabien Lecastel que j'applaudis d'une main. Alors, ouais. Ça, c'est l'applaudissement d'une main. Avec une main qui te bloque en rhumé. Hein. Oui, j'ai entendu. Ça va votre gorge, Fabien? Ça va. Heureusement, c'est le début de la vaccination grippe aujourd'hui. C'est un vrai truc. Vous irez avec un mot du 8-9 faire ça. Vous ferez le vaccin ou pas, Sarah? Je crois pas, je l'ai jamais fait, en fait, vraiment. Alors, n'embrassez pas Fabien, parce qu'il est malade. Il est contagieux ce matin. 8h20, c'est ça, le 8-9. Maintenant, chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums à prix rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. En effet, on part jeter un œil sur vos conditions de circulation avec Serge, notre motard. Alors visiblement, Serge, il y a beaucoup de monde sur le ring suite à l'accident qu'il y avait à Zelic. Hein. Voilà, cet accident, c'est donc sur le ring intérieur. C'est terminé. La chaussée est dégagée depuis une petite demi-heure, mais les files étaient tellement énormes qu'elles mettent du temps à se dégager. Donc, elles commencent déjà à Forêt, en passant par Anderlecht, etc. Donc, si vous êtes dans les files, soyez patients. Du monde également, conséquence de cet accident, c'est sur la E40 venant de la mer. Là aussi, beaucoup de monde et ça va se résorber. Soyez patients là aussi. Du monde également sur la E40 venant de Liège. Mais là, c'est pas dû à un accident. C'est dû à l'heure de pointe. Et alors, c'est le marché de Forêt aujourd'hui. Sachez que la chaussée Nerstal est fermée. La chaussée Nerstal, c'est une avenue très importante à Forêt. Donc, il y a de gros problèmes de ce côté-là également. Très bien. Merci beaucoup, Serge. On refait un point sur les conditions de circulation juste après votre journal régional à bruxellois aux alentours de 8h35. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED. LED. Electro. Hi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Vous désirez parler le néerlandais ou l'anglais? Nous avons la solution. ABC Langue vous propose une méthode par auto-hypnose. Une méthode rapide, efficace et qui a déjà fait ses preuves. En quelques semaines, vous parlez le néerlandais ou l'anglais. ABC Langue, 02 736 74 36. ABC Langue. 736 74 36. Allô? Oui, salut Max. Ah, salut Sophie. Bonjour madame, j'arrive tout de suite. Oh bah dis donc, t'as l'air occupée toi. Dis, quand est-ce qu'on mange ensemble tous les deux? Oui, bonne idée. J'ai un créneau mardi 23h. 23h, c'est pas un petit peu tard ça? Ah bah tu sais, ma boîte c'est passionnant, mais j'ai plus de temps pour moi. Jeudi 6h du matin. Et tu te reposes quand, Max? Votre santé est importante pour vous et pour votre entreprise. Découvrez tous les conseils pour garder l'équilibre sur 7jourssanté.be. Dimanche minuit. Max! Avec le soutien de la COCOF. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. En ce moment, à l'achat d'un duo ou d'un trio de vous, l'installation et l'activation sont offertes. Voici ce que votre portefeuille en pense. Et ça fait 110 euros quand même. Ce que votre ventre en pense. On va pouvoir s'offrir un petit resto. Pendant que votre tête... Si je comprends bien, ça veut dire l'internet ultra rapide, la télé numérique, le téléphone fixe... Et le resto. Et mollo avec les sous, hein. Et oui, à l'achat d'un duo ou trio de vous, l'installation et l'activation sont offertes. Alors rendez-vous vite dans votre boutique vous ou au 0800 800 25. Offre soumise à condition. Le journal L'Avenir réinvente sa version mobile. Profitez d'un tout nouveau design et d'un confort de lecture adapté à votre tablette et smartphone. Offrez-vous toute l'actu qui vous concerne, ainsi que la dernière tendance smartphone à un prix exceptionnel. Offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir. L'avenir est au contenu. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Nicolas, arraché tragiquement au sien par un malheureux accident de la route. Voici ses derniers mots. J'arrive dans 5 minutes, réchauffe le poulet, hashtag miam. Écrire un message au volant, c'est peut-être écrire ces derniers mots. Alors restons concentrés sur la route. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de la WSR, l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Bon, ce week-end, on a rangé le bureau. Toutes les inscriptions de la semaine dernière au bac. Alors, inscrivez-vous au Kikadi, puisqu'il s'est une nouvelle semaine qui commence. Vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. Il y a un cadeau à la clé tout à l'heure, une citation identifiée et un mot imposé pour le live de vendredi. Tout à l'heure, le regard sport avec Thierry Luters, qui se trouve donc ce matin, non pas à Gibraltar, mais bien au Portugal. Salut Thierry. Oui, ce qui est logique, bonjour Benjamin, bonjour à tous, d'être à Faro en Algarve pour un match contre Gibraltar. Non, mais c'est parce que Gibraltar, c'est tellement petit que leur stade n'est pas encore conforme et donc ils jouent leur match à la maison, à l'extérieur. Ouais, on parlera du match tout à l'heure et du dossier Lukaku, parce qu'il y a dossier Lukaku. Juste un mot sur la météo, Thierry, tant qu'on vous a en ligne, quel temps il fait à Faro ce matin? La journée, il fait 23 degrés, le soir un petit peu moins, avec un petit peu de vent, mais on n'a pas à se plaindre. Ça va, vous êtes bien traité? Globalement, ça va, tout se passe bien et la cuisine locale est assez remarquable. Très bien, le mec est là en vacances. Non, le mec est là pour le boulot. Thierry, on se rappelle tout à l'heure pour parler football, football, football. Dans l'immédiat, il est 8h25, Sarah, le Zap Télé avec télépro.be, le grand gagnant de The Voice Kids en France. C'est une jeune fille, 7 ans, Manuela, c'est incroyable, c'était la fin de la 3e saison de The Voice Kids. C'est donc Manuela qui remporte cette 3e saison, elle a 7 ans, elle vient de Montpellier, ses parents font de la musique déjà, elle chante depuis ses 2 ans, du Johnny Hallyday, de l'Aznavour. Elle a chanté d'ailleurs Charles Aznavour la bohème en demi-finale. Ah ben là, voilà, attendez. Ouais. J'ai entendu le grain de voix, le... Il y a son coach, c'est M. Pokora, qui était d'ailleurs à la soirée hier de Cap 48. M. Pokora l'adore, elle dit qu'elle est très attachante, rigolote. Elle est perfectible, hein, parce que c'est vrai que toutes les notes ne sont pas justes. Non, 7 clair. Ans, vous rendez compte. Donc c'est Manuela, la gagnante de la 3e saison de The Voice Kids. Eh ben donc ça veut dire qu'elle arrivera peut-être un jour dans le 8-9. Encore que 7 ans, c'est jeune, à mon avis, pour faire de la promo. Pas sûr qu'on la croise. Bravo donc à cette jeune fille. Le rappel des titres, c'est dans une seconde après ceci. Quadrus October Days, Action Carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré, gratuit. Quadrus à Waterloo, Wavre et Zaventem, quadrus.be.

soi-disant une capacité dissuasive des caméras, et ça, les études sont très peu convaincantes à ce niveau-là. Les auteurs établissent une corrélation positive entre le nombre de caméras et le pourcentage de population africaine, ainsi qu'avec le taux de chômage. De là à parler de profilage socio-ethnique, il n'y a qu'un pas. Profilage socio-ethnique, autrement dit, le fait de surveiller davantage certaines populations à cause de leur origine ou de leur pauvreté. Cette étude est à lire sur le site www.brusselsstudies.be. Et c'est justement un spécialiste sécurité qui sera l'invité de BX1, le député fédéral écologie, Gilles Van den Buren, membre de la commission d'enquête sur les attentats. Il répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu. Rendez-vous en télé sur BX1 vers 12h45. Et toujours en politique, cette confirmation, Joël Milquet sera bien chef de file du CDH pour les élections communales de 2018 et donc vraisemblablement tête de liste à la ville de Bruxelles. Une place de combat face au PS d'Yvan Mayer, l'actuel bourgmestre. C'est ce qu'a annoncé le président du CDH ce week-end. Une manière aussi pour Benoît Lugène de réaffirmer sa confiance en l'ex-ministre Joël Milquet qui avait démissionné suite à une inculpation au mois d'avril. Une manière aussi de confirmer un nom connu après des sondages très mauvais pour le CDH à Bruxelles. 8h33, comment booster l'emploi et l'économie à Bruxelles? Le gouvernement régional dégaine son plan Stratégie 2025. 160 initiatives qui ont été décrites il y a quelques jours, avec par exemple des formules de stages subsidiés pour pousser les entreprises à accueillir un demandeur d'emploi. Mais sur le terrain, ces stages se passent-ils bien? Une enquête a été menée auprès de 350 patrons de petites et très petites entreprises à Bruxelles. Et Myriam Ball, vous l'avez constaté, certaines conditions sont indispensables pour un stage réussi. Engager deux stagiaires, c'était un risque pour Pascal Dujardin dans son entreprise de ressources humaines qui ne compte que deux personnes. Mais il a tenté, les nouveaux avantages financiers de la région bruxelloise l'ont convaincu. Ça nous a permis de faire cette démarche avec un coût moindre puisqu'on a pu profiter d'un système qui s'appelle EFPI. Une formule nouvelle à Bruxelles, le chercheur d'emploi fait plusieurs mois de stage subsidié et à la fin l'entreprise prolonge par un contrat aussi long mais à sa charge. Pour avoir testé, Pascal Dujardin conseille de bien réfléchir à la durée. Un stage assez long pour que le stagiaire soit formé, mais assez court pour être sûr d'en assumer les coûts. Toute aide financière pour un entrepreneur est bonne à prendre et donc on saute sur cette aide. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a toujours un coût. Pour pouvoir assurer ce stage, payer cette personne, il y a des coûts annexes qui sont relativement importants et on n'est parfois pas préparé et donc on a parfois de mauvaises surprises. Pascal Dujardin est aussi directeur de l'Union des classes moyennes à Bruxelles et ses suggestions rejoignent celles de nombreux entrepreneurs sondés par l'UCM, aussi quand il s'adresse à Actiris, en charge de l'emploi à Bruxelles. C'est la motivation, l'évaluation des compétences qui me semble essentielle. Je dirais à Actiris de faire encore plus d'efforts à ce niveau-là, de vraiment nous présenter des candidats motivés. Quand un stagiaire n'est pas motivé par un poste ou n'en a pas le profil, le stage est un échec pour tous, décourageant et coûteux. En sport, les Diables Rouges jouent donc ce soir en qualification pour la Coupe du Monde. Ce sera face à la dernière nation mondiale, Gibraltar. Un match a priori démesuré donc pour obtenir une troisième victoire en autant de rencontres côté belge. Le coup d'envoi est fixé à 20h45. Du coup, il n'y avait pas de rencontre en Pro League ce week-end, mais dans les échelons inférieurs, les clubs bruxellois ont cartonné. L'Union Saint-Gilloise en D1B, le White Star en D1 amateur et le RWDM en D3 amateur se sont tous les trois imposés. En basket, le Brussels a fait de même. Succès 89-85 devant le Spirou de Charleroi. C'est le deuxième succès consécutif en autant de rencontres pour les Bruxellois dans cette D1. La semaine prochaine, c'est un autre gros morceau qui leur barrera la route, Ostende. Mais tout est possible, selon le capitaine Guy Mouya. Nous, honnêtement, on ne se préoccupe pas des autres équipes. On sait que c'est un déplacement difficile. Ostende, c'est simplement le quintuple champion de Belgique. Donc, et on sait que c'est difficile de gagner à la Sluiter Arena. C'est vrai qu'ils ont fait un faux pas la semaine passée en perdant à domicile. Et puis la grosse surprise ce week-end. Mais je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Et je connais très bien le coach, ils vont se reprendre. Maintenant, nous, on va aller là pour jouer crânement notre chance. On sait que l'équipe n'est pas bien pour l'instant. Et c'est peut-être le moment de les prendre chez eux. Donc on va essayer de profiter de ce moment de flottement dans l'équipe pour essayer de voler une victoire là-bas. Et Guy Mouya, le capitaine du Brussels Basket, interrogé par Pascal Chimet. Cette rencontre face à Ostende, ce sera donc la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. En attendant, moi, je vous souhaite déjà un excellent lundi. Toute l'info, c'est sur notre site web, www.rtbf.be/région. Vous cliquez sur l'onglet Bruxelles et vous nous retrouvez. Belle journée, il est 8h36. C'est vous qui le dites à 9h, avec d'abord l'affaire qui frappe la Flandre. Un avocat de 41 ans voudrait épouser une fille de 16 ans qui attend de lui un bébé est-ce qu'il a raison quand il dit que l'amour n'a pas d'âge? Ensuite, la négociation du budget qui coince. Le VLD ne veut pas qu'un chômeur puisse vivre toute sa vie avec une allocation. Et vous, ça vous dérangerait, toute une vie avec des allocs? Et puis l'idée de deux députés. Si la maman ne prend pas ses 5 semaines avant d'accoucher, elle pourra donner une partie de ce congé au papa. Est-ce que vous êtes d'accord? Zoé Boss, standard ouvert. Nous attendons vos appels au 070-233-466. Vous voulez laisser votre avis, mais vous êtes rongé par la timidité. Pas de souci, le 30-63-50 se par message. Et là, pour ça, nous lirons vos SMS, mais aussi vos commentaires sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et à 8h37, on part faire un tour sur les routes avec Serge, notre motard. Il y a beaucoup de monde ce matin sur la route, Serge. Oui, un petit peu moins que tout à l'heure. Ça commence à se résorber du côté de Zélic, sur le ring intérieur entre Forêt donc, et Zélic, à cause de cet accident, mais qui est terminé sur le ring intérieur. Ça commence à se résorber également sur la E40 venant de la mer, toujours à cause de cet accident. Donc voilà, patience. Les autres endroits du ring sont plus ou moins normaux. Et sur les autoroutes venant à Bruxelles, il y a la E411 où vous perdez environ 15 minutes. Et la E40 venant de Liège, pareil aussi, environ 15 minutes de perdu. D'accord. Et je vous rappelle, attention, c'est le marché de Forêt. Il y aura des complications dans la commune de Forêt aujourd'hui. Merci beaucoup, Serge. Tout de suite, la suite du 8-9 avec Benjamin Maréchal. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 14. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah! Vivacité La Une et Ouf TV présente le Festival International Nature Namur. Du 14 au 23 octobre, la nature est un spectacle. Venez partager les meilleurs films et photos nature de la planète à la Cinépolis et dans la Citadelle. Programme festivalnaturenamur.be avec la Wallonie, la ville et la province de Namur. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore? Sois pas si impatient, toi, dis. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Mmh. Fier de nos frites. Andalous ou samouraï ? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert, avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. Le plus impatient. Attends, quoi? Bon. Le plus impatient. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Ah, c'est un lundi avec la petite Sarah de Padua. Niveau de la forme sur une échelle de 1 à 10. Oh, 10? 10, ouais. Niveau oui. De la forme, monsieur de Warzey. 1,80. Thierry est en train de bronzer au soleil du Portugal. Il nous attend dans quelques minutes pour évoquer le grand match de ce soir, les Diables face à Gibraltar. Mais il joue pas à Gibraltar, il joue donc à Faro, au Portugal. On l'appellera. Il nous reste une place pour le Kikadi. Si vous avez envie d'un petit cadeau pour démarrer la semaine, cadeau d'ampleur. Avec un Kikadi à identifier et un mot imposé. J'ai entendu des ricanements dans mon dos. Non, alors, une tasse Vivacité, peut-être. Et alors? Mais et quand alors, bien même. Et quand bien même. Vous buvez votre café dans quoi? Voilà. Dans votre main. On est quand même en droit de savoir le cadeau, non? Non. Pour lequel on joue. On a quand même envie que des gens appellent. Oh. Non. Kikadi, 3063, vous indiquez je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Venez jouer. Et si vous avez une plainte sur le cadeau, vous pourrez la faire de vive voix. Ouais, parfaitement. Sarah est au service après-vente. Bon, 8h41, un petit bijou, un petit moment rare ce matin avec notre invité. Pierre Rapsat est mort en 2002. On pensait tout savoir de lui. Et voilà qu'on retrouve dans un coffre d'un organisateur de festival une bande sur laquelle se trouve tout un live de Pierre Rapsat en 1981 à Gouvy. On y trouve notamment l'enfant du 92e. Il rentre toujours à l'heure, l'enfant du 92e. Derrière ce live et donc les bandes retrouvées, c'est l'organisateur du Gouvy Jazz Festival, Claude Lenz, est en ligne avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Ces bandes de Pierre Rapsat, vous les avez retrouvées où exactement? Oh, ben je les ai retrouvées dans un coffre en bois. J'avais l'intention de remettre un peu d'ordre dans tous mes enregistrements, puisqu'on organise la musique depuis près de 40 ans maintenant. Mais je savais que ces bandes existaient, mais je ne savais pas qu'elles étaient chez moi. Ah, donc vous pensiez que c'était définitivement perdu pour l'histoire? S'il vous plaît. Vous pensiez que c'était définitivement perdu pour l'histoire? Mais je pensais que c'était perdu pour l'histoire, oui. Oui, oui et non, parce qu'on était à plusieurs à organiser ces quatre éditions à Gouvy, 78, 79, 80, 81, mais je n'y pensais plus, à vrai dire, pour être bien franc, quoi. On va écouter dans une seconde ce que ça donne, puisque c'est la voix originale de 1981. Dites-nous qui était Pierre Rapsat à l'époque, parce que d'après les biographies, sa carrière à ce moment-là décolle pas. Il a sorti en 1977 L'enfant du 92e, qui devient un tube par après, mais qui à ce moment-là passe inaperçu. C'est un gros artiste que vous recevez là en 81, ou c'est un mec qui décolle pas? Ah, mais c'est disons que Pierrot, à l'époque, on sentait véritablement que ça allait exploser, quoi, musicalement, ça c'est clair. Donc, cet enregistrement, c'est vraiment un enregistrement charnière, si je puis dire, quoi. C'était vraiment, on sentait que le tremplin était là, quoi. Et j'avais fait jouer avant le groupe Ange, un groupe parisien, donc il jouait en première partie, mais là, il a fait un véritable tabac. Ça a été phénoménal, un succès fou, quoi, hein. Et vous lui avez porté chance parce qu'après en 82 il sort l'album Lâcher les fauves sur lequel on trouve notamment Passager la nuit, c'est un de ses albums les plus mythiques. Il y a un truc incroyable hein, Sarah, dans cette histoire, je retrouve des bandes dans mon tiroir, quoi. C'est incroyable, mais du coup on va exploiter ces bandes, non, j'imagine. Elles deviennent un live qui sort en ce moment. Vous avez fait appel d'ailleurs au public pour financer l'enregistrement et la mise en CD de ce disque. Il vous fallait combien d'euros pour en faire un vrai disque? Mais en fait, moi, une fois que j'ai retrouvé ces deux grandes bobines-là, mais je ne savais pas très bien par où prendre la ficelle, quoi, parce que moi, je suis organisateur de concerts, mais je ne suis pas, je ne savais pas trop bien comment on pouvait s'y prendre pour faire un CD. Puis j'ai rencontré Christian Martin au Francofolie à Spa, je lui en ai touché un mot, et justement, c'était la maison de disques Team for Action à Bruxelles, qui s'occupait de tout ce qui était Pierre Rapsat. Donc je suis vraiment un coup de bol, quoi, je suis tombé vraiment pile dans le mille. Combien d'exemplaires vous avez tiré pour ce démarche, hein, au niveau des droits d'auteur et au niveau de l'autorisation auprès de la famille et tout ça, quoi. Claude Lenz, voilà. Combien d'exemplaires de ce disque, puisque c'est un petit moment rare, un petit bijou, combien d'exemplaires sortis? Ah, c'est une véritable pièce d'anthologie, ça c'est clair. On a sorti 1000 exemplaires et on ne ressortira rien du tout. Donc voilà, quoi. Je pense c'est que rare. C'est collector, faut pas. Vous en voulez un ou pas, Jérôme? Moi, oui, avec le plus grand plaisir. Donc j'essaierai de m'en procurer. Attendez, comme c'est collector et que vous jouez sur la quantité, vous le vendez à combien, Claude Lenz, votre live? On vend le CD à 15 euros. Ah, oui, mais c'est raisonnable. Oui, tout à fait, oui, complètement. C'est raisonnable. C'est un double en plus. Franchement, c'est vraiment mais c'est très émouvant comme disque en plus. Parce qu'il a vraiment donné tout son cœur, mais je pense qu'il n'y a pas que Gouvy qui donnait tout son cœur. Je crois chaque fois au concert, Pierrot, il y a la fond. Hein. Ah ben, reprenez les dates. Pierre Rapsat est mort en 2002. On croyait qu'on savait tout et on retrouve ce live de 1981 dans un tiroir. On a entendu tout à l'heure une note de l'enfant du 92e. Eh bien, explorons alors ce live. On est à Gouvy en 81. Il y a Country Boy dessus. Je suis qu'un country boy, fille des âmes, pas une mère, c'est mon drame. Il a la voix qu'on a toujours connue dans le fond. Hein. Franchement, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas, fait, ouais. Pas une voix de Geno. Gémeaux est sur l'album. C'est pas facile de s'appuyer mon style, un peu high, un peu checky. Et le son est bon, c'est du live. Ouais, c'est du live. C'est dingue. Ouais, c'est le son de Gouvy, madame. Et 1980. 1980. Alors parlons business maintenant, Claude Lenz, puisque vous organisez le festival de Gouvy depuis longtemps, qui a eu des pointures du jazz, du blues, tout ce son américain. Vous avez qui d'autre dans vos tiroirs que vous allez exhumer dans pas longtemps? Qui y reste? Je ne sais pas si je vais exhumer des choses, parce que il faut vraiment, ça ne va pas comme ça, on ne sort pas un CD comme ça, hein, donc il faut toutes les autorisations. Oh là là, j'ai des enregistrements évidemment extraordinaires. Hein, vous avez Elvis Presley? Et avec les bobines de Pierrot, il y a celle de Ange, quoi, aussi. Mais moi, je ne suis pas un commercial, je suis plutôt un sentimental, et ceci, je tenais vraiment à sortir ce disque pour faire plaisir à tous les amateurs, tous les fans de Pierrot. Il y en a énormément. Ah hein, c'est un petit bijou, on en a vendu deux déjà, hein. Jérôme et Sarah, il en reste 998, foncé. C'est Pierre Rapsat en 1980, enregistré à la ferme Madelon à Gouvy. Merci d'être passé ce matin, Claude Lenz, bonne journée. Merci bien. Bonne journée, à bientôt. Et donc les gars, fouillez vos tiroirs. Oui, vous n'avez pas un vieux kiki dans votre tiroir? Non, mais j'ai retrouvé des enregistrements inédits. C'est quatre types de Londres des début des années 60. Beat. Oui, c'est ça, mais je sens de vous rien. C'est jeté, Scarabée, ça. Là, non? J'ai jeté. Non, non, non, c'était des jeunes qui étaient dans des canettes, la drogue et tout y quanti. Qui traversaient, même sur des clous, mais enfin... Bon. Tu me brûles ça, mon ami Franco. Ouais, déjà fait. Dans un instant, qui a dit? En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Hey, ça va, tige ? Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Ce message s'adresse à vous, qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir, parlons-en. Inscrivez-vous à nos conférences sur cbc.be/décidez-d'investir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Vivacité présente... Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre ? Ben oui Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Le 8-9. Et nous sommes à Charleroi ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes urgentiste, donc capable de nous sauver à tout moment, c'est ça ? Bien sûr. Surtout Sarah. Nous, oh, nous laisse... coucou Vincent. Et nous, on peut crever. Attendez, Vincent, on fait tous les trois un malaise au même moment. Qui vous sauvez en premier ? Ah, voilà. Sarah. Voilà. Ah, merci Vincent. Et c'est bien normal. Attention, parce que c'est moi qui ai le cadeau. Qui vous sauvez en deuxième ? Ben, vous, hein. Ah ben, je vous ai pas forcé, j'espère. Eh ben, moi, je peux... Jouons alors. Vincent, qui qu'a dit, avec un cadeau à la clé dans un instant, et vous pourrez choisir l'aide de Jérôme ou de Sarah. Qui qu'a dit, arrêtez de dire que ce sera facile. Arrêtez de dire que ce sera facile. C'est Renaud qui a dit ça, à propos de sa nouvelle tournée et de son retour vers le public. C'est Roberto Martinez qui a dit ça, à propos des prochains matchs de Diable Rouge. Ou alors c'est Matt Pokora qui s'attaque au répertoire de Claude François. Souhaitez-vous l'aide de Jérôme ou l'aide de Sarah, Vincent ? De Sarah, bien sûr. De Sarah, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Je n'existe pas. Et là, pour le coup, Vincent, peut-être que Jérôme était plus... Ah, il a choisi. Il a voulu une femme, il a eu la femme. Bon, allons-y. On va pas chipoter trop loin. On va pas se mentir. Martinez, non ? Pour le match des Diables, Gibraltar, non ? Vincent, elle dit Martinez. Ça paraît cohérent. Ouais. Vous la suivez ou vous la suivez pas ? Moi, je vais la suivre. Ah bah oui, vous la suivriez au bout du monde, vous. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. C'est elle qu'il fallait sauver. Le cadeau pour vous. C'est une paire de boucles d'oreilles en or équitable que nous vous offrons dans le cadre de la semaine du commerce équitable qui se déroule jusqu'au 15 octobre. La coopération belge au développement vous offre cette paire boucles d'oreilles en or équitable. Vous serez magnifique, Vincent, avec les boucles d'oreilles. Beau cadeau. Beau cadeau. Non, je vais les offrir. Hein. Ah ben je suis. Ah, Sarah. Ah. Madame. Oh non, faites plaisir autour de vous, Vincent. Plaisir autour de vous. Je vais les faire plaisir à quelqu'un qui en a besoin. Ah ben c'est chouette, Vincent. C'est du vrai or. C'est du vrai or et en plus, les producteurs ont été rémunérés correctement. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour le live de vendredi ? Vœux. Pourquoi vœux ? Voilà, j'espère qu'il va faire un vœu pour 2017. Ah ben, on espère le vœu. Donc c'est vœux, c'est pas je veux, c'est le vœu... Avec X au bout. Ah, non, sans X, sinon ce serait les vœux. Oui. Non mais je veux, il y a aussi un X à la fin, donc ça veut rien dire. O-E là, comme cœur. Oui, c'est le O-E, ouais. Vincent, à bientôt et merci encore de nous avoir sauvés. Un. Bisous Vincent. Je crève. Ah bah tant pis pour vous mon vieux, il a choisi. Dans un instant, Thierry au Portugal pour évoquer le nouveau match des Diables Rouges. On s'attend à un carton. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. 5 secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Bon, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleurs frites du monde aussi, et hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Et pour le doublon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui, ça c'est beaucoup pour moi, hein? Oui, mais tu rentres en métro, hein? Ah ouais, ouais. Dis, le salon de l'alimentation, ouais. Même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Jusqu'à 9h, le 8-9. Et c'est donc la question d'intérêt général. La Belgique ne frappera bientôt plus sa monnaie. Qu'inscririez-vous sur une pancarte en guise de protestation? Pierre-Jacques estime que c'est une décision à l'emporte-pièce. C'est d'ailleurs très joli. Jean-Claude Montagne nous précise: j'espère que c'est une faute de frappe, sinon je me demande dans quelle pièce on joue. Ah, joli. L'actu du jour, le président de la commission technique de l'Union belge, Bart Vorag, aurait menacé certains diables de ne plus les sélectionner s'ils n'acceptaient pas le système des primes mises en place. Comment nommeriez-vous ce petit vaudeville? Bon, vous répondez à ça sur la page Facebook du 8-9. Vous avez jusqu'à demain, vous pouvez faire ça en équipe si vous voulez, à avoir la chance, le bonheur, le privilège d'être épinglé. Comme le plus drôle de la liste. Mais ils sont tous drôles, allez les lire, même si on ne vous épingle pas. C'est sur la page Facebook du 8-9. Et puis sur vivacité.be, si vous avez un peu de temps au bureau, c'est la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment la polémique autour de Donald Trump et cette fameuse phrase prononcée: quand on est une star, elle, donc les femmes, nous laisse faire, on peut même les attraper par le kiki. Enfin, il l'a dit autrement, mais je vous fais une traduction quasi littérale. C'est sur vivacité.be. Le kiki, ça n'était pas innocent. Oui, c'est ça. Mais vous avez une autre traduction? Non. Non, eh ben voilà. Parle pas anglais en même temps. 8h55, le regard sport de Thierry Luther, ce qui est donc ce matin au Portugal, à Faro. C'est là que les Diables jouent tout à l'heure et affrontent Gibraltar. Troisième match qualificatif, Coupe du Monde 2018. Thierry, avant de parler du stade de Gibraltar, je voudrais qu'on redise un mot quand même de Lukaku, qui est mal aimé, notamment dans l'édito de La Libre ce matin, parce que Lukaku, vendredi soir, a encore manqué l'immanquable. Et on n'a pas eu votre commentaire encore sur Lukaku. Oui, rebonjour, il a manqué l'immanquable, mais il a encore marqué. Et donc, il a marqué 20 buts alors qu'il a 23 ans. Le record absolu en sélection nationale, c'est 30 buts. Un record qui va plus que probablement exploser très prochainement. Donc moi, je comprends pas très bien quand même toutes les critiques qui s'abattent sur ce joueur. C'est vrai que des occasions, il en rate, mais tous les attaquants du monde en ratent. Et ce qu'on demande quand même prioritairement à l'attaquant, c'est de marquer des buts. Il le fait, et donc moi, je le défends quand même, d'un point de vue strictement comptable. Donc vous dites, halte là, d'un point de vue comptable, stop. Ben oui, parce que quel est l'intérêt d'aller le siffler comme ils l'ont fait vendredi, tout le public, une partie du public l'a pris en grippe. Mais je crois me rendre compte, pour avoir tweeté à ce propos et avoir vu un déchaînement de réactions, je me demande si là derrière ne se cache pas encore un débat entre supporters d'Anderlecht et du Standard, et que Lukaku paye quelque part son passage du côté du Sporting Anderlecht. Je pense que ça doit jouer aussi. Ouais, parce que vendredi soir, il n'y a pas eu des ricanements. Hein. Il y a eu des huées complètes sur Lukaku. Alors on en vient au match d'aujourd'hui face à Gibraltar. La grosse interrogation, Thierry, c'est de savoir si on peut, disons-le clairement, se la péter, être sûr de notre coup en se disant c'est des petits, c'est des amateurs, ils n'ont même pas de stade. Est-ce qu'on peut être suffisant ou c'est de mauvais goût et dangereux? Bah, Ben oui, il ne faut pas tomber dans le péché d'orgueil. Mais la question ce soir, ce n'est pas de savoir si on va gagner, c'est de savoir combien de buts on va marquer. Ah. Et moi, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut battre le record historique du plus large succès belge à l'extérieur, qui jusqu'à ce jour est de 0-6 au Grand-Duché de Luxembourg? Je pense que oui, parce que ici, par exemple, dans la dernière campagne qualificative pour l'Euro, la Pologne et l'Allemagne ont gagné 0-7. Il faut dire qu'en face, c'est une équipe qui voudrait une D3, comme dirait l'autre, c'est donc le D3 de Gibraltar. Et c'est une équipe qui est composée de joueurs semi-professionnels, puisqu'il y a un pompier, il y a un policier, il y a un douanier. Ah, ben c'est les villages. C'est la plus mauvaise équipe du monde, hein, il faut le dire clairement. Si, il n'y a pas un Indien. Il y a un contre-maître de chantier. Thierry, on fait pronom autour de la table. Alors, Sarah, vu qu'on joue contre un petit poussé avec tout le respect, bien sûr, inhérent à la sportivité du sport. J'espère qu'ils vont se lâcher dès la première minute, nos diables. Parce que la Bosnie, c'est un autogol qui les a lâchés, j'ai l'impression. Je ne suis pas expert. Enfin, arrêtez avec ça, enfin. Depuis ce matin, elle le dit à chaque fois. C'était mitigé, puis un autogol, et puis ils se sont lâchés. Voilà, alors, pronostic pour ce soir, Sarah. Allez, moi je dirais un 4-0, oui, comme vendredi. 0-4 du coup. Elle dit du 0-4. Jérôme. 0-8. Jérôme. 0-8. Je dis 0-8. 0-8. Thierry, vous voulez ou vous restez neutre? Moi, je vais dire 0-5. Voilà. Et un je voudrais que Sarah arrête avec ses propos acerbes sur la Bosnie. Double jeu de mots. Mais non, il a refait un jeu de mots. À quoi il ressemble le stade dans lequel on joue? Tout à l'heure, on a l'impression que vous êtes là au milieu de nulle part, dans un stade qui ne sert à rien, à personne. À quoi il ressemble le stade? Ouais, c'est vrai que c'est un stade qui ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a plus de club résident, mais il n'est pas mal, il est assez original du point de vue architectural comme un stade coupé en deux, vous verrez les images ce soir. C'est un stade qui a servi pour 3 matchs lors de l'Euro 2004. C'est un stade de 30 000 places et il y aura 1000 personnes, 500 Belges et 500 courageux venus de Gibraltar. Ah ben avec un peu de chance, vous connaîtrez tous les prénoms à la fin de la journée, alors, parce que 1000 personnes, c'est pas énorme quand même. Thierry, on a 40 secondes devant nous, un mot sur la tactique, puisque vendredi, avec blessure, on s'est retrouvé dans une défense à 3, et les Diables se sont émerveillés, les rois de la tactique qui s'adaptent. On sera 3 en défense ce soir? La fameuse flexibilité, le mot qui revient dans le discours du coach Martinez. Je pense qu'il va rejouer à 3. De Four va jouer dans notre jeu puisque Fellaini est suspendu. Il va laisser souffler probablement Meunier. Chadli va jouer. Lukaku ne jouera probablement pas non plus. Alors ce sera Benteke ou Batshuayi qui va recevoir sa chance à la pointe de l'attaque. Donc il y aura quand même quelques petits changements par rapport à l'équipe de vendredi dernier contre la Bosnie. À suivre sur Viva, bien sûr. Thierry, bonne journée, à tout à l'heure pour le commentaire. Merci. Bye bye. Bisous. Je viens de comprendre la blague. Acerbe. Mais oui, Il y en a eu d'autres tout au long de la matinée que je vous expliquerai au bureau. On en a 27, donc que vous n'avez pas relevé. Pour une fois que c'était drôle. Salut, c'est Hip. Faites de fantastiques économies grâce aux offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Achetez 2 livres, CD ou DVD et recevez. Bam! Le 3e gratuit. Faites vite, vous n'avez que jusqu'à demain pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Hé, Bleu. Ouais. Fais gaffe, tu vas te faire tartiner. Et toi, fais pas le dur. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. Denis, petit prono entre collègues. Donc Sarah a dit 0,4 pour ce soir, Jérôme a dit 0,8, Thierry 0,5 et vous? Bah moi je tape dans le 0,6. Vous tapez dans le 0,6? Je tape dans le 0,6, oui. Et j'ai tout noté sur une feuille, demain je ressors... Vous voulez le score à la mi-temps? Ouais. 0,4 à la mi-temps et 0,6 à la fin du match. Mi-temps, 0,4. Ok, vous pouvez travailler maintenant. Allez, je bosse avec des averses qui sont déjà bien actives sur le littoral. On a sur le centre du pays une petite bande dégagée avec des éclaircies depuis la région anversoise jusqu'au Hainaut. Et puis on a aussi quelques averses qui se forment dans la région de Maastricht sur le nord du plateau de Herve. Et puis quelques gouttes aussi sur la botte du Hainaut. Sur le sud du pays, ciel nuageux et température assez fraîche. Les averses vont se multiplier dans le courant de la journée. Ce sera la journée la plus maussade de la semaine avec donc averses et moments d'accalmie, 9 à 14 degrés. La suite, eh bien, un temps de plus en plus sec de jour en jour et des températures qui se maintiennent entre 9 et 13 degrés. Viva 9h. Sébastien Pierret pour le journal, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous.